بسم الله الرحمن الرحيم فمن ذلك اليوم سنبدأ في سورة آل عمران la famille d'Imran qui est le deuxième qui est la troisième plutôt sourate dans le tartib présent dans le Mus'haf car la première c'est le Fatiha ensuite le Baqara et ensuite Al Imran قال في المسألة الثامنة وثلاثين 38e مسألة قوله تعالى وَوَالَّذِي يَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ Qu'il dit, il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, et dans ce livre, il y a des versets clairs et d'autres qui se ressemblent, c'est-à-dire qui portent des versets équivoques. Sourate Al-Imran, verset 7. قَالَ هَذِي الْآيَةُ يعني المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها متشابها. Donc ce verset démontre que le Coran contient des versets qui sont clairs et effectifs et d'autres qui se ressemblent et sont équivoques. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم وآية تدل على أن كله متشابه. Et d'autres versets sont venus disant que tout le Coran est muhkam et clair, et d'autres qui disent que tout le Coran est mutashabih, c'est-à-dire équivoque et se ressemble. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Donc parmi ces versets qui montrent que tout le Coran est clair et effectif, la parole de Allah dans le sens où il dit un livre dont tous les versets ont été clarifiés puis détaillé de la part d'un sage et parfaitement informé. Surat Hud, verset 1. وَأَمَّا الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّهُ مُتَشَابِهٌ فَيَقُولُهُ تَعَلَىٰ كِتَابٌ مُتَشَابِهًا مَثَانِي. Quant au verset qui, eux, ou le verset qui lui dit que tout le Coran contient des versets qui se ressemblent et sont équivoques, la part de là dans le sens où il dit un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Surat Az-Zumar, verset 23. Et cette masala également, vous pouvez la trouver dans les douloures qu'on a fait dans Al-Tadmuriya et dans Al-Qawaid al-Musla lil-Allama Ibn al-Usaymin, rahimahullah ta'ala. Il évoque cela également. Wawajju al-jam bayna hadhi al-ayat. Donc maintenant, comment joindre ce verset ? أن معنى كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه أخباره صدق وأحكامه عدل لا يحتريه وصمة ولا عيب ولا في الألفاظ ولا في المعاني. Donc le fait de dire que ce Coran est tout à fait clair, entièrement clair et effectif, c'est que ce Coran est tout à fait classé, clarifier que ces versets sont d'une haute précision et que les termes sont bien choisis ainsi que les sens et qui amènent à cela justement à un miracle dont les créatures seraient incapables de venir avec un équivalent et que toutes ces informations qu'il donne elles sont véridiques et que tous ces jugements sont justes, ils sont des choses qui amènent à la justice, qui ne contient aucune infamie et aucun défaut ni dans les termes employés, ni dans les sens. Donc ça, c'est dans le sens qu'il est muhkam kulluhu. Wa ma'na kunihi mutashabihan, le fait maintenant qu'ils disent qu'ils se ressemblent et qu'ils les soient à équivoque, c'est-à-dire ces versets, anna ayatihi yushbihu ba'dwa ba'dan fil husni wa sidqi wal irjaz wa salama min jami' al 'uyub. Que ces versets se ressemblent entre eux, justement dans cette beauté-là, dans la véracité et dans ce côté miraculeux face auxquels les créatures sont incapables de venir avec un équivalent, comme nous l'avons dit. Également, ces versets se ressemblent et sont dénués de tout défaut, de tout manque. Maintenant, le fait que certains d'entre eux sont clairs, effectifs, et d'autres se ressemblent, sont équivoques. Anna al-muhkama minhu huwa al-wadih al-ma'na li kulli nas. كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. Donc maintenant le muhkam c'est celui dont le sens est clair, c'est-à-dire pour tout le monde. toute personne qui viendrait à le lire trouverait cela tout à fait clair, comme dans sa parole, dans le sens où il dit « Et n'approchez pas de la fornication. » Surat al-Isra, verset 32. وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إله آخر et n'accorde pas ou ne met pas avec Allah une autre divinité. Le voyage nocturne, al-Isra, verset 39. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est parti du Coran est clair et l'autre les moins, ce qui est clair, c'est que cela est pour tout le monde, pour les awam, pour les tulab et pour les ulama. ومتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم بناء على ان الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفه. Donc maintenant, متشابه, c'est ce qui a échappé de le savoir, a échappé aux gens, hormis aux راسخين في العلم, ceux qui sont ancrés dans la science. Donc là, dans le verset, le واو, le waou, ici, il est atifa. C'est-à-dire que wa rasikhuna fil ilm, tamam, et les gens ancrés dans la science. Il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a gardées auprès de lui dans sa science, comme par exemple les huruf muqatta'a, les huruf qu'on a au début des sourates, comme alif lam mim, kazalik, Alif, Lam, Mim, Sad, toutes les sourates qui commencent par des huruf muqatta'a. Tamam. Quelle est la sagesse de la présence de ces huruf? Allah Azza wa Jal, lui seul le sait. Et sinon, en disant que qala, na'am, bina'an 'ala anna al-waw fi qawli ta'ala wa rasikhuna fil 'ilm istinafiyya la 'atifa. Et là, le waw dans le verset wa rasikhuna fil ilm, si on dit qu'il n'est pas atifa, c'est-à-dire qu'il n'amène pas à ce que les rasikhuna fil ilm également sachent le ta'wil de ces versets, ça veut dire que c'est une nouvelle phrase qui commence et que seul Allah connaît ce sens-là. Donc là, hadha wal jam bayna hadhihi al-ayat al-karimat. Wa bi dhalika naktafi. والحمد لله رب العالمين.